Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. Sur la route de Neil Cassady. Lettre à Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Choisi et proposé par Julien Douminc. Réalisation, Pascal Deux. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Neil Cassady fut longtemps considéré comme l'icône de la Beat Generation. Poète, il inspira à Jack Kerouac le personnage de Dean Moriarty dans son roman manifeste « Sur la route ». Mais sa correspondance témoigne qu'il n'était pas seulement un héros de roman, un effluve et un rêve comme il se définissait lui-même, mais aussi un écrivain des plus incandescents, tant son écriture est proche de sa douleur. Quatrième épisode, La belle vie. En cette fin d'année 1950, Neil Cassady est en Californie. À l'autre bout du pays, Kerouac vient de se marier et n'est plus qu'à quelques jours de boucler le manuscrit de Sur la route. Plus que jamais, les lettres qu'il reçoit de son ami en sont le principal matériau. Il le répétera souvent, ce sont ces lettres qui lui ont révélé sa voix. À Jack Kerouac, 5 novembre 50, San Luis Obispo, Californie. Mon cher pote, est-ce que j'ai fait un rêve cette nuit ? Oui, oh oui. Ce rêve, après m'être masturbé 6 fois de suite, pas particulièrement difficile à faire ces temps-ci. Je ne peux pas le décrire. Inutile pour un seul rêve de toute façon, non. Il en ressort 2 émotions. J'ai découvert que j'aime Louane, mais plus et plus fort. Et je suis entré dans un autre monde, vraiment autre, dans un dégradé de noir et dans une extase tellement pure que je suis parti plus loin que jamais. Une vraie merveille. Mais basta. Ne va pas t'imaginer que je ne fais pas de rêves sexuels déments. J'en fais, et même toutes les nuits. C'est juste que ce rêve magnifique m'a causé une telle émotion, et pendant si longtemps, que j'ai la mort dans l'âme. Ça m'a tout simplement rendu malade. Va pas croire que je suis pas défoncé. J'arrive même pas à tracer les lettres pour écrire les mots et je contrôle pas la pression de mes doigts pour guider le crayon. Je suis défoncé grâce au tout dernier reste du nuage de poussière super puissant de 150 grammes avant première manucure, tu te souviens ? À Mexico City, le matin, avant de te quitter. Il est très probable que je n'aille pas à New York avant le 1er mars. Ou plus vraisemblablement le 1er mai au plus tard. Ça dépendra du boulot ou peut-être de moi. En tout cas, quand je t'ai écrit, j'étais décidé pour New York, mais Diana m'a suggéré de changer mes plans à cause de l'argent, etc. Donc maintenant, je suis décidé à aller à El Paso jusqu'en mars, et à Phoenix peut-être jusqu'en mai. Pourtant, quand je lis ta lettre, je me dis qu'il faut que je parte à New York en janvier comme prévu. Mais il fait tellement froid là-bas pour bosser, et je dois bosser. Caroline et les gosses, Eddie et le bébé ont si salement besoin d'argent que je peux pas m'arrêter de travailler. Je vais pousser plus loin que Mexico City. Plus loin que l'extrémité des trottoirs panaméricains du Guatemala sur la sale autoroute panaméricaine jusqu'au bout de l'autoroute à Panama ou ailleurs. Alors, la chaleur indienne, la chatte indienne, les têtes indiennes. En 52 ou 53, je ramènerai une caravane neuve à la maison, à atteler au nouveau break Chevrolet, Et je vivrai dans la caravane à travers tout le pays, vu que je saute d'un boulot au chemin de fer à un autre, et tous les ans, Diana et moi, toi et la connasse, on ira au Pérou, où vivent ces vieux riches, et on rencontrera des Indiens défoncés aux feuilles de coca. C'est tellement beau ce que tu m'écris. Ça me touche. Et je deviens sentimental et j'en ai rien à foutre. Parce que je sais que tu sais. Et donc, je m'autorise à écrire seulement des trucs dépassés d'une façon dépassée. Et rapidement, je deviens si abstrait et j'essaie tellement de contrecarrer ça par des pensées simples, répétitives et paresseuses que mes lettres sont des foutaises ou des ormeaux. Si elles ne sont pas des espadons jouant à saute-mouton avec des marlins dans ton complètement contradictoire clodo fauchant un steak cuit de la veille. La belle vie. Neil. À Allen Ginsberg, 15 novembre 50, 29 Russell Street, San Francisco. Cher Allen, j'ai pas grand-chose à dire. Bien que je n'ai jamais eu autant de trucs dans la tête. Mais comme je vois rien de suffisamment simple pour pouvoir en parler clairement, je vais me contenter de divaguer. Quand j'ai quitté New York, il y a un bon moment maintenant, j'ai pris un streamliner de la Pensy qui était plein comme un œuf. Je voulais pas m'emmerder à chercher une place et je suis allé voir un pseudo-hipster qui avait l'air dans le même pétrin que moi. On s'y est mis à deux, sans chipoter, on a réussi à trouver une place l'un à côté de l'autre dans un wagon à destination de Saint-Louis. Je suis allé aux toilettes et j'ai fumé de l'herbe après qu'on soit passé sous l'Hudson. Je suis revenu à ma place en marchant de cette façon si particulière que j'ai mise au point pour toutes les fois où je dois me déplacer sous les yeux des autres. La sensibilité accrue que procure la marijuana est tellement délicieuse qu'il est impératif d'aller doucement. Bien placer mes pieds, balancer mes bras, garder l'équilibre pour me faufiler dans ce train bondé était ma seule préoccupation. Je me suis glissé dans mon siège sans le moindre signe de reconnaissance au pauvre type à côté de moi. Ce n'est pas seulement l'esprit qui s'évade, qui caractérise une bonne herbe. Tout le corps répond sans réserve si on lui en donne l'ordre. Mais si on part, ce grand effort physique annule le pied qui va avec. Après avoir médité 10 brèves minutes sur ma vie, et sur le voyage et sur l'avenir, j'ai décidé de faire connaissance avec ce mec. Il n'avait jamais réussi à tenir en place. Un sang juvénile, sans repos. Un type qui avait l'air de se foutre de tout, mais bordel, il y avait sûrement des tas de sujets sur lesquels il avait une opinion. Jamais, ces dernières années, je n'ai si consciencieusement suivi et dirigé une discussion. Non pas que ce pauvre gars ait été exalté, c'est bien le problème. Comment pouvait-il débiter de telles foutaises? Pire, son catalogue de conneries était encyclopédique. Comme j'étais défoncé, son énorme degré de crétinerie était deux fois plus insupportable, mais je m'étais juré de faire preuve de patience. La longueur du voyage a eu raison de ma résolution et de ma tolérance. Évidemment, j'ai tout de suite regretté d'avoir ouvert les vannes à un tel flot. On s'en fout de ce que l'autre raconte, de la façon minable dont c'est agencé, si les mots sont porteurs de ce rythme auquel on est tous accordés. Le mec a commencé tranquille. Les crimes qu'il avait vus, ceux auxquels il avait participé, les flics qu'il avait aidé à corrompre, les durs à cuire qu'il avait connus, genre ceux de Brooklyn, c'est là-bas que ça s'était passé, à l'ombre des grands ponts, les guerres des gangs, etc. Après cette enfilade de clichés à la James Cagney, il lui ressemblait d'ailleurs. Moi, réussissant toujours à glisser un ou deux mots pour acquiescer, on est passé à des considérations plus générales. Lui, son truc, c'était la science. On en connaît tous un rayon là-dessus. Il m'est arrivé de réfléchir longuement sur le sujet et j'en maîtrise toutes les données. Le truc le plus spécifique sur lequel tu t'interroges, tu peux me consulter à son propos. mais je me suis montré plus qu'indulgent en tenant compte de sa jeunesse, 20 ans je pense, et de sa façon de penser. Et j'étais prêt à entendre tout ce que j'avais déjà entendu des tas de fois sans grimacer ni gerber, et à simplement capter le monde à travers ce gars et le reste du compartiment, tout en écoutant le ronronnement du moteur. J'ai alors suggéré qu'on poursuive notre discussion dans le wagon-bar pour étancher notre soif. Là-bas, il serait seul, et je pourrais finir de le démolir. Il rechignait, se tortillait pour pas partir, mais comme il n'avait aucune excuse sous la main, il m'a accompagné. Dans ce cadre luxueux, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Tu sais, je suis toxico. » Il s'y attendait un peu, mais je l'ai pris par surprise et il est resté bouche bée avant de dire vite fait d'un air bravache « Je l'ai toujours su. » Et même je l'ai su avant que tu montes dans le train. Je te regardais à la gare et je me disais « Tiens, voilà un toxicomane sous l'emprise de la drogue. » Je lui ai dit que j'étais pas défoncé en montant dans le train. Et je lui ai demandé de deviner ce que j'avais pris. Il a supposé que j'avais fumé de l'opium ou quelque chose dans le genre. Et dans son ignorance, il voulait savoir si je savais où j'étais, ce que je faisais et si je dealais. Je lui ai bien foutu la trouille et j'ai décidé d'y aller à fond parce qu'il était franchement aussi antipathique qu'abruti et il le méritait vraiment. Je parlais calmement, mais en dépit de mon self-control, je laissais transparaître que j'étais en train de bouillir, que j'étais à la limite d'exploser à n'importe quel moment. Je lui ai dit que j'avais l'impression que la puissante marijuana créait en moi une pulsion de haine meurtrière envers ceux que je croisais et combien ce truc rendait fort, capable de tordre une cuillère en argent en un clin d'œil, et combien j'avais du mal à me contrôler quand je pensais à n'importe quel coup. J'étais obsédé par les coups. J'échafaudais des plans dans le désir ardent d'étrangler tout le monde, particulièrement les femmes et surtout les minces. Sa vieille pomme d'Adam tremblotait, nom de Dieu. Il n'a pas fini sa bière. Il s'est levé au milieu d'une phrase et m'a planté là, dans le wagon-restaurant. Merde. Et voilà. J'étais allé trop loin. Il irait parler au contrôleur, appellerait les flics ou rapporterait tout ce que je lui avais dit dans ce train et en particulier dans notre compartiment. Je suis resté quelques minutes assommé, me jurant de ne plus jamais me frotter à des ringards, vu que je n'y trouvais aucun réel plaisir. Puis je suis retourné à ma place pour les affronter. Il n'y avait rien d'anormal. Il était là, muet comme une carpe, alors que je me glissais devant lui pour regagner mon siège à côté de la fenêtre. On n'a plus échangé un seul mot. Il avait peur. Et honte, peut-être. En quelques minutes, je l'ai viré de mon esprit et je me suis laissé absorber par le paysage de Pennsylvanie jusqu'à ce que je m'endorme. J'ai somnolé toute la nuit. J'ouvrais un œil de temps en temps et je voyais que tout le monde dormait, sauf lui. Je l'observais de près derrière mes paupières mi-closes. Il était raide comme un piquet, luttant pour pas s'assoupir et me jaugeant sans arrêt d'un air inquiet. J'ai lâché un peu et je me suis endormi. Le lendemain matin, le compartiment s'est vidé et il est allé s'asseoir à une autre place. Voilà. Fin de l'histoire scientifique, clinique et objective. Je t'embrasse. Neil. À Allen Ginsberg, 25 novembre 1950, San Francisco. Cher Allen, c'est pas une tâche facile de t'écrire, ni à toi, ni à qui que ce soit. En fait, je n'arrive pas à m'y mettre. J'ai des tas de magnifiques exemples sous le coude de mon incapacité à agir. Et je pourrais t'en faire la liste, mais j'en ai pas la force. Vraiment, c'est affreux. Pas seulement parce que je ne suis pas fichu de faire les choses les plus élémentaires, me brosser les dents, aller chez le docteur, faire les trucs importants au chemin de fer, dormir, mais aussi parce que j'arrive pas à faire les choses urgentes, comme m'occuper de ma voiture qui est en panne et qui a besoin de nouvelles bougies d'allumage. Tu crois que je suis capable de marcher deux blocs pour aller en chercher et de prendre 10 minutes pour les changer? Non. Non, là. Ça fait des semaines que je prends le tramway pour aller bosser, etc., etc. C'est même encore pire que ça, mais suffit de dire que je mange toutes les 12 heures, que je dors toutes les 20 heures, que je me masturbe toutes les 8 heures, et que le reste du temps, je suis assis dans le train, la tête vide, à regarder devant moi. Tout ce que je fais, c'est penser pendant 5 secondes aux choses que je dois me coltiner, que je récite en boucle dans ma tête. M'occuper de la voiture, m'occuper de mes pieds, m'occuper de mes dents, m'occuper de mes yeux, m'occuper de mon nez, m'occuper de mes pouces, m'occuper de mes bronches, m'occuper de mon trou du cul, acheter une nouvelle lanterne pour les chemins de fer, acheter un billet de retour pour que Jack le craignos et Diana la stressée viennent ici en mars s'ils en ont envie, me mettre à mon bouquin, être sur les rangs pour un job au chemin de fer dans l'Est, trouver un chien vacciné contre la rage, j'ai repéré un cocker pure race pour Cathy, installer un jardin où Cathy puisse jouer, lire ceci, écrire cela, etc. Résultat, j'ai mal au ventre en permanence, j'ai la diarrhée. Dès que je mange, je suis malade. Je fume et je deviens dingue de ne pas réussir à arrêter, etc., etc. Je voudrais avoir un champignon vénéneux sous la main, me traîner jusqu'à lui et mourir. L'esprit, quand il est seul, tourne souvent en boucle sur un sujet, puis sur un deuxième. Il passe de l'un à l'autre. En cherchant le plaisir, on trouve des combines, puis on les oublie. Défoncé, on est abasourdi devant la richesse des perceptions qu'on expérimente. Elles sont tellement significatives qu'on a l'impression qu'il n'y aura plus jamais aucun doute quant à leur compréhension, et ainsi de suite. Trop médiocre pour continuer. En tout cas, c'est ce que Jack a vécu. Et bien qu'il affirme être en train de pondre le meilleur truc jamais écrit, il sait que c'est pas le cas. Les choses ne sont peut-être pas comme ça dans son esprit, ce n'est peut-être pas ça ce qu'il se dit, mais les vraies raisons de son mariage peuvent être imputées à l'herbe, au point que je crois que sans l'herbe et ses effets, Jack ne serait pas marié à l'heure qu'il est. Connaissant Jack et imaginant sa vie ces temps-ci, et me rappelant qu'il répétait depuis longtemps qu'il se marierait, je rassemble mes souvenirs et mes impressions et je me dis qu'il y a une petite raison intime à ce mariage, mais aussi une raison extérieure. Tout ça ne veut rien dire. Les raisons pour lesquelles on se marie ont bien moins de signification que ce que tu penses, Alain. Toi, je crois que tu cherches tellement à ce qu'un mariage dure que tu n'as vraiment pas idée des pures lubies qui y conduisent. Tout ça pour dire que tu es tellement conscient de la permanence des choses que tu fais pas assez attention à tes propres lubies pour comprendre les actes qui peuvent en découler. Un mariage tel que j'imagine celui de Jack, et tel qu'ont été les miens, je le sais, est un mélange d'aveuglement délibéré et d'une espèce de volonté tordue d'aider la fille, tout bonnement. Et puis merde. Comme vous l'imaginez, vous, les sales gens de l'Est, votre connard de l'Ouest sait se soigner. Je suis sorti hier soir et avec des difficultés monumentales qui feraient une bien meilleure histoire que n'importe quel chemin de fer de Pensy. J'ai dégoté le meilleur joint d'herbe que j'ai fumé depuis des mois. Et c'est pas tout. Avec le fric qui me reste, viens lundi, j'en trouverai quelques grammes. Qu'est-ce que t'en dis ? Hein ? Super. Super shit, je te dis. Caroline était tellement défoncée. Mais défoncée, tu vois, et moi, je l'étais aussi avec cette unique stick qu'on partageait, qu'elle est vraiment tombée sur le cul quand elle a voulu traverser la pièce. Elle avait perdu l'équilibre au point de ne plus sentir le sol quand elle marchait. Je vous embrasse tous. Espèce de salaud qui passait la moitié de votre vie à supporter le froid, la neige, le vent et les dangers qui vont avec le mauvais temps de New York. Bande de crétins. Neil. À Jack Kerouac, 5 décembre 1950, 29 Russell Street, San Francisco. Cher Jack, sûr que je suis heureux d'apprendre que tu t'es marié. Évidemment, je suis tombé des nues. Mais je savais que tu le ferais un jour ou l'autre. Quand un homme approche des 30 ans, et qu'il n'a pas encore de petits mioches en route, ça commence à faire un tout petit peu tard. Et très vite, la seule chose qui lui reste, c'est écrire des livres. Donc, ça serait super si ta fécondation du 18 avait marché et qu'il y avait, en construction dans le shaker, un cas miniature avec de grandes oreilles et un machin bidule chouette encore plus grand. Vu que t'es pas plus riche que moi, ce serait pas mal que ça arrive un peu plus tard. Dis à cette super nana que t'as dégotée dans cette ville immense de simplement être cool et de ne pas se laisser bouffer par l'inquiétude de ce vieux croque-mitaine dont les filles ne devraient pas se soucier. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est tout confier au vieux, satisfaire quelques lubies, jouer à l'éternelle naïve, même si sur le moment ça n'a pas l'air de l'affecter ni de calmer le jeu, tout en évitant la mascarade du chantage affectif. Au-delà de ces conneries, Jack, avec toutes tes âneries, tu ne pourras jamais échapper à ta nature sérieuse et ultra inquiète, ni à la destinée de ton sang, ni à ton attachement à un foyer. Mais putain, mais qu'est-ce que ta merveilleuse mère et ton père t'ont appris ces 25 dernières années ? Hein ? Et de quoi parle ton livre génial à part de ça ? Et tu m'as dit, des tas de fois où tu m'as fait comprendre ton envie de fonder une famille. Si Joanne a encore des réticences à ce sujet, dis-lui de ne pas se laisser aveugler ni leurrer par l'éclat des étincelles et de la flamme générée par la friction brûlante de la masse de choses qui s'entrechoquent à la surface agitée de ton esprit. Dis-lui que le germe de ton besoin viscéral de fonder une famille est inaltérable et que la croix qu'elle devra porter, si c'est le cas, sera d'avoir le rare mérite d'être marié à un homme aussi exceptionnel dont l'âme abrite un paradoxe auquel peu de gens ont accès. Parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux que je garde pour moi, Jack. Je devrais pas te dire, putain, combien est fragile la beauté de la fleur que tu portes dans ton âme. Et je m'en tirerai pas en sortant des trucs tordus pour que tu t'en amuses. Si Joanne, à un moment, veut quelques tuyaux à ton sujet, ou savoir quelle connerie je mets derrière le mot paradoxe et tout le tintouin, dis-lui qu'elle me trouve un joint de bonne marijuana ou un truc dans les mêmes prix. Et je lui dirai ce qui te fait vibrer en moins de deux. En fait, j'ai écrit une lettre à Allen dans laquelle j'ai déliré sur plein de trucs à propos desquels je ne sais rien. Et j'en ai bavé parce que je n'ai jamais écrit et je n'ai jamais vraiment eu les mots, ni je l'ai compris en écrivant, jamais pensé à ce genre de saloperie avant. Et je me réjouissais à la perspective de quelques grammes de bon shit. Le contact a été rompu. Fais chier. Mes amitiés à ta gentille petite nana. Espèce de vénard impuissant. Non ? Neil. C'était « Sur la route de Neil Cassady ». Lettre à Jack Kerouac et Allen Ginsberg, choisie et proposée par Julien Douinc. Lue par Quentin Bayot et Pauline Ziadé. Guitare, Pierre Téréjol. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe technique, Éric Boisset et Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Les lettres de Neil Cassady sont publiées en 2 tomes aux éditions Finitude dans une traduction de Fanny Wallendorf. pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr. Tout de suite, Aude Lavigne.